Comme ma mère m'a fait remarquer qu'il faudrait que je lave mes jeans, j'ai pris mon courage à deux pieds. Je suis allé faire une machine et j'ai vidé mes pantalons pour ne pas faire de bouloche. Et j'ai réalisé tout con, ma vie entière tient dans mes poches. Dans mes poches. Y'a ma carte de crédit, ma carte d'identité, y'a mes sous, mon permis et ma clé USB. Y'a mes cartes de sécu, de mutuelle, d'électeur, une boulette, un briquet et ma carte de chômeur. Et même une carte de la SACEM recouverte d'une couche de crasse, quelques photos de ce que j'aime et un vieux mouchoir dégueulasse. Un vieux mouchoir dégueulasse. C'est bien foutu, après tout fallait y penser. Résumer un individu sur quelques cartes plastifiées. Après ça il suffit seulement d'un gros fichier informatique pour contrôler la vie des gens. Tout simplement d'un simple, tout simplement d'un simple clic. Y'a ma carte de crédit, ma carte d'identité, y'a mes sous, mon permis et ma clé USB. Y'a mes cartes de sécu, de mutuelle, d'électeur, une boulette, un briquet et ma carte de chômeur. Et même une carte de la SACEM recouverte d'une couche de crasse, quelques photos de ce que j'aime et un vieux mouchoir dégueulasse. Et un vieux mouchoir dégueulasse. Sont ressortis nickel et ma conscience plus encore. Je n'ai rien remis dans mes poches, mais j'ai fait un grand feu dehors. Puis j'ai chanté cette chanson tout en y jetant mes papiers. J'ai quand même gardé le chichon et le kébri pour le cramer. Et le kébri pour le cramer. Et j'ai dit adieu carte de crédit et carte d'identité, et adieu le permis et la clé.